OK, votre seul et unique radio poubelle homosexuelle. Par la poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin. Certains diront que je suis sans emploi, mais je préfère le terme podcasteur indépendant. Toujours dans l'ordre du rose, moi c'est Jess, grande bipolaire, toujours employé à temps partiel à 50 heures par semaine, et j'ai encore les mains collantes parce que je suis allé me crosser les toilettes tantôt en regardant les nudes que vous nous avez envoyés au dernier épisode. Et comment ça va, Jess? Ça va très mal, j'en peux plus. Eh oui, on est toujours conscient du monde qui nous entoure. Surprise, surprise! Vous étiez tous en larmes après notre dernier épisode, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore! À la demande générale, ce matin, on vous a concocté un épisode que vous... un épisode bonus! Que vous allez aimer comme un dernier hook-up avec votre partner, ça va faire une session à l'étranger. Oh! Eh oui, aujourd'hui... Devant vos yeux ébahis, on va vous parler de notre sujet préféré, nous autres. Ben oui, ben oui. Alors, on vous fait une petite rétrospective hein, de deux filles le matin, nos moments préférés, comment on travaille, nos anecdotes inédites, la vie de Gay Icon et encore plus. Mais là, ne vous inquiétez pas, on a pensé à vous autres, les Moons. On a des petits jeux qui s'en viennent, on va vous faire participer à la fin de l'émission. Alors, ça fait qu'on s'en va se faire un petit espresso double en écoutant notre propre podcast, parce qu'on veut savoir comment vous vous sentez, puis on vous revient au beurre caféiné. Yeah. Pendant très longtemps, on était des filles qui parlaient d'avoir un podcast, mais qui n'avaient absolument rien. On faisait juste parler de notre podcast, mais il n'y en avait pas. But look where we are now! C'est ça, des feuilles de projet. Fait cocasse quand même, Charlie a annoncé la naissance du podcast genre 6 mois avant que ça arrive. Vous la connaissez comme une chroniqueuse à On dira ce qu'on voudra, puis elle est allée dire à On dira ce qu'on voudra, ah oui, oui, deux fifs le matin, ça s'en vient sur choc.ca, ça arrive. Fait que là, Choc, premièrement, est arrivé, il a fait comme, hein? Il était comme, non, il n'y a rien qui va se passer, là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont demandé une rétractation, on a eu des poursuites. On s'en remet encore, acheter des chandails, il faut payer pour ça. Parlant du pilote, il sera jamais release. Peut-être. Sorry la gang. Peut-être. C'est juste moins structuré. T'sais, c'est pas qu'on. Je veux dire, c'est fun d'écouter jaser pendant une heure. Là. Mais à la lumière de ce pilote-là, on s'est dit on va structurer les épisodes. On a aussi appris à faire du montage. Mais on a bien compris que ça prenait des plans d'épisodes puis plus détaillés, puis que fallait aussi apprendre à faire un peu de montage, mais finalement, je veux dire, on s'est pas pire débrouillé. Fait que là, toi, à ce moment-là, Jess, avant même qu'on commence, c'était quoi tes attentes par rapport à ce podcast-là? Hey boy! Moi là, première des choses, je ne comprenais pas pourquoi Charlie venait me voir, moi, pour faire un podcast. Can you believe that, bitches? J'étais comme, pourquoi moi? Can you fucking believe her? Genre, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai, moi? Pourquoi moi? Genre, tu vas te retrouver avec une bitch, là, qui va juste tout le temps te ramasser de destinée, on va en reparler plus tard. Ça, oh. C'est off the mic, là. Non. Puis, moi, honnêtement, dans ma tête, là, il y avait comme genre 20-30 personnes qui allaient écouter ça. Gros max. Finalement, pas trop pire. Finalement, 40. J'ai entendu ça dans la salle, c'est à peu près ça, 40. Moi, je me doutais quand même que ce serait pas pire. Bon. Moi, je me disais, non, mais pour vrai, je me disais, moi pis Jess, on est capable de deliver, tu sais, un minimum de contenant, puncher de temps en temps. Ce que je pensais pas, c'était qu'on allait trouver une audience, en fait. Je pensais pas que, ce qu'on allait offrir pis l'espace qu'on allait remplir, c'était en fait quelque chose auquel les gens allaient vraiment répondre beaucoup. Pis c'est ça, en fait, qui me fait vraiment capoter en ce moment. Je suis vraiment content de vous voir. Vos fans, c'est pas tout dans je me sens vraiment choyé en fait, que je croyais en notre capacité de faire un podcast, je savais juste pas qu'il y avait de monde qui allait nous écouter, esti. Surprise. En tout cas, moi je m'écoute à chaque semaine. Pensais-tu que ça allait être autant de job? Bitch! ça a l'air, on a l'air de juste jaser même là, mais hey la gang, c'est du travail! C'est du travail, mais c'est le fun. C'est de la bonne, c'est le fun. Mais je suis vraiment content d'avoir quitté ma job. Je suis vraiment content d'être en employé en ce moment. Moi, vous le savez, je travaille à temps partiel, 50 heures par semaine, puis... Il y a quelqu'un cette semaine qui nous demandait « Avez-vous une side job en dehors du podcast? » Hey, on paye pour ça, on fait pas une crise de scène, ça nous coûte de l'argent, acheter des chandails. Pour vrai, gang, acheter des chandails. On n'a pas encore remboursé les mères à Charlie pour les chandails. On est endetté auprès de mes parents pour ces chandails. Ils sont cute à part de ça, please, achetez-en. Au party d'Halloween chez Charlie la semaine passée, c'était drôle parce que je me promenais partout, puis mon sales pitch, mon selling pitch, hein, c'était « Toi, t'aimes ça les t-shirts? » Ouais, non, Jess disait aux gens « Porte ça, toi, les t-shirts? » Puis là, à un moment donné, il est arrivé devant genre le coloc d'un ami finnois qui parle pas français. Qui te cite genre pour deux semaines, quelque chose de même. Puis, genre, il a dit en français, puis là, il était comme « Non, non, il parle pas français. » Do you wear a t-shirt? Do you wear a t-shirt? Hey, il y en a pas acheté, hein? Il y en a pas acheté. Au début, on se disait que... Est-ce qu'il y en a qui écoutent la web-série 1 de Katia et Trixie? Par applaudissement. Parce qu'au début, on se demandait qui de nous deux allait être Katia, qui de nous deux allait être Trixie. Je pense qu'il y a une réponse évidente à ça. Mais nous autres, notre bête, c'était que Jess serait Katia et que moi, je serais Trixie. Oui. Est-ce que... tu penses que c'est encore exact? Ben oui, là, je veux dire, je suis reconnu pour mes splits. Je suis clairement la robbed queen. Je veux dire, tout comme Trixie, tu ramasses tout le crédit juste parce qu'il y a du monde qui se présente pas. Mais pour vrai, c'est la première fois que c'est pas moi la crise de folle d'un duo. À chaque fois, non mais pour vrai, à chaque fois c'est moi la petite folle de la gang. Puis là, maintenant que je suis avec Jess, les gens me perçoivent comme la personne terre-à-terre et raisonnable de ce podcast. C'est la première fois que ça m'arrive. Merci tellement, Jess, de me faire vivre ça. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un, puis j'étais comme « Ah, oh, j'ai peut-être un petit projet de podcast cet hiver tout seul, là, pendant que Charlie va être en voyage, nanana. » Puis là, il y a quelqu'un qui m'a juste répondu, il a dit « Oui, mais qui va te tone down? » Et on n'a toujours pas de réponse pour ça. On n'a toujours pas trouvé de réponse. Fait que là, OK, mettons, derrière le produit fini, là, parce que là, nos auditrices se meurent de savoir qui c'est qui fait quoi, comment on se divise tout ce job-là, puis qui de nous deux répond au Moon sur Instagram? À qui parlez-vous? Hein? Parce que c'est compliqué, on gère à deux, cet Instagram-là, quand même. Moi, c'est sûr qu'à Bonne Virgo, dans ma tête, c'est tout moi qui fais, puis je le fais mieux que tout le monde. Mais... ça, c'est juste dans ma bulle à moi, parce que c'est pas vrai. On se share le travail. On se le share énormément. Pour savoir, par exemple, à qui vous parlez sur les réseaux sociaux, je pense que c'est honnête de dire que 80% du temps, vous me parlez avec moi. Puis, c'est pas parce qu'il y a meilleur, c'est juste que moi, je suis pas du monde, pour vrai. Je peux pas répondre. Moi, je suis trop... Jess est fine. Elle est fine. Licheuse. C'est ça. Moi, je peux pas... C'est ça. Je suis juste pas du monde. Je peux dire que je rajoute pas d'émojis. Je suis tellement licheuse. À un moment donné, j'étais sur Instagram, puis j'ai voulu féliciter quelqu'un, genre une drag queen, pour sa performance. Fait que là, je vais la voir, je fais « Ah, bravo pour ta performance hier soir à Drag Moi, c'était super bon. » Puis là, elle m'a juste répondu « Oui, mais c'est parce que je performais pas hier. » Tu sais, quand tu veux faire du PR un petit peu trop fort, là, j'ai fait cette erreur-là. Oups. Ah, je me suis aussi rendu compte, Manny, que je faisais trois fois, je répondais à la même affaire à personne. Sorry, des fois, j'étais à job, je suis comme, oh, merci. Fait que, Jeff, c'est la majorité des médias sociaux. On split les plans d'épisodes. Ouais. Moi, je m'occupe de l'outreach, de l'événementiel, de la merch. Si vous avez des chaises, c'est grâce à elle. Jeff, c'est grâce à Le Gillian, surtout, mais... oui! Bonjour! Mais pour vrai, vous seriez surpris de la quantité de chaises liantes qu'on réussit à faire rentrer dans une petite Kia. C'est incroyable. Vrai. Une chance que la ride n'était pas longue parce que je voyais pas grand-chose derrière. Mais moi, je le savais, j'ai rentré plus gros dans plus petit. C'est ça, on se partage la promo, Jess fait le montage, puis on s'estime constamment pour savoir ce qui s'en vient. Oui. Que ce soit une photo sur Instagram, une story, on est tout à comment, mais moi je ferais ça, ouais, mais moi je ferais ça, On est basically married at this point. Ah oui. Genre, c'est écrit souvent. Sinon, sur Instagram, si vous voulez savoir à qui vous parlez, Le truc, c'est que si tout est en minuscule, c'est moi. Parce que moi, je suis tellement désinvolte. L'inverse de ma chatte. Que je suis allé dans les paramètres de mon sel pour enlever la fonction majuscule automatique pour montrer à tout le monde à quel point je care pas. Wow! Je pense qu'après 20 épisodes, c'est ton plus gros statement. Yes, bitch. Vraiment. Ah ouais, coming through with a statement. À deux fifs le matin, s'il y a une chose de laquelle on est fier, c'est de la popularisation du mot « moon ». The Moon Army. Nous sommes Légion. Par contre, je suis très amer. Pour les gens qui se rappellent du premier épisode, moi, là, mon mot préféré, c'était « pouscrotte ». Pis ça, ça n'a pas comme true, genre, c'est comme pas devenu populaire. Pour vrai, ah, tabarnak, pouvez-vous imaginer, genre, notre merch, des oui. T-shirts avec, genre, pouscrotte, oui. Brun sur blanc, ou brun sur rose? La merch de la saison 2, gang. Si vous achetez assez de t-shirts, on vous fait des t-shirts pouscrotte. OK, fait que là-dessus, on s'en va trader un t-shirt Moon contre un percolateur au complet de café, puis on vous revient, encore une fois, au beurre caféiné. Ça se vend comme des petits ponchos, ce merch-là. Fait qu'on peut échanger ça contre un perco en deux temps, trois mouvements, puis on est ici, crinqué comme jamais. Crinqué, non? C'est le bord de la crise d'angoisse. Toi, là. Moi. Ton épisode préféré de la saison. Là, on se pose des grosses questions. Mais là. Tu peux pas me demander lequel de mes enfants est mon préféré. Mais si j'avais à choisir. J'avoue que. l'épisode Je suis Joël occupe une place spéciale dans mon cœur. Mais juste parce que, tu sais, je pense qu'il y a aucun espace à date où ça a juste été permis de parler de cruising, pis pas de manière comme juste. Dans la honte, t'es dans le spectre moral. Dans la honte, ouais, c'est ça, dans le spectre moral. Mais tu sais, maintenant, juste en parler librement, pis comme une pratique consentante, pis que ce soit correct. Puis je suis vraiment content de ça qu'on tombe pas dans la panique morale, justement. Panique morale qui était un excellent épisode aussi. Allô, Chacha. Allô, Hugues aussi, mais, était là, là. Allô, Hugues aussi était là. Mais je pense que ce qui est cool de l'épisode de sujet, c'est qu'il reste vraiment pertinent. Juste cette semaine, est-ce que vous avez vu TVA Nouvelle à Rimouski? Oh my god! La cache du Levant qui a été démasquée. Non, la cache du littoral! La cache du littoral, whatever! Mais oui, la cache du littoral, c'est important de bien nommer les cruising spots, la gang, s'il vous plaît. Mais qui a été découvert par TVA Nouvelle. Hey! C'est. On peut se dire que c'est literally juste une tarpe dans le bois, tabarnak! Calmez-vous! C'est une tarpe dans le bois! Calmez-vous, calice! C'est sorti cette semaine, je veux dire, à Rimouski, là, en ce moment, la nuit, il fait moins 10, est-ce-t-il? S'il y a de la moine assez motivée pour aller sucer à graines, on peut-tu les laisser? Merci! Suis les suckers! Non, mais je veux dire, après un diplôme, t'as genre du frimot pogné dans le poil de pio, ça m'a fait vrai, là, un petit. Ah ouais, là-bas, il y a juste deux saisons, t'as l'hiver passé, l'hiver prochain. Mais, OK, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ça, il faut quand même que je vous fasse les plus grands faits de ce reportage d'une qualité incroyable. On a besoin d'y revenir. Alors, first of all, on nous arrive, parce que là, c'était sur un sentier, puis là, on nous dit que c'était sur le sentier, qu'on n'avait même pas besoin de chercher, puis je suis comme tabarnak, ils sont derrière une tarpe, c'est correct. Il y a juste une tarpe. Puis là, on nous dit que... Il y a des familles qui passent par là. Oui. Il y a des, ben, les enfants. Puis moi, je suis sûr que le high time, là, le moment où c'était raging en dessous de ce calice de tarp-là, c'était un dimanche à 11h le matin pendant que tu promènes ton carrosse. Chance! Mais en plus, les gens étaient comme, tu sais, la madame de Rimouski était comme, il y a des carrosses, là, qui vont dire, je promène les enfants. Je suis comme, c'est quoi? Tu vas emmener ta poussette directement pour que ton enfant voit? Anyway. Puis. Même la police, en fait, ça a été dit dans l'article, même la police était comme, ben, tant qu'on n'a pas de plainte, on peut rien faire. Je suis comme, Chris, quand même la police nous back! Quand même la police! Ils sont comme, on va rien faire! Once in a lifetime, c'est-tu. Puis, quand il me disait que avoir la nature des objets dans la tente, il n'y a pas de doute par rapport à ce qui se passait à l'intérieur. Puis là, on voit une belle photo de ce qu'elle entend. Il y avait même du lissol. Yeah! Une meilleure odeur. Moi, je suis comme pour vrai, là. Genre, des moons qui care, là. Puis là, après ça, moi, mon moment préféré du reportage, c'était le gros plan sur la botte plug dans les fonds. Ben pour vrai, il y a de la moune qui a donné du gear, esti, là. Il était plus gearé que moi dans ma chambre. C'était rien que type. Moi, je suis fasciné. Moi, si ça, c'est pas de la solidarité communautaire, je sais pas ce que c'est. Hein? Je sais pas ce que c'est. Fait que, moi, je veux juste dire au moune de Rimouski qu'on est avec elle. Puis que même si la ville s'en va démonter leur type, une type, ça coûte pas cher, on va leur en envoyer une d'ici. Et ils vont jouer un spot pour faire ça à nos printemps. Continuez! Le combat n'est pas fini! Et maintenant, toi, Jess, là. Ben ton épisode préféré, ce serait quoi? Ben, tout comme toi, mon épisode préféré de Deux Fifs le matin, c'est le reportage de TVA. Non. Pour les gens qui suivent Deux Fifs le matin sur Instagram, vous l'avez sans doute remarqué, je suis un esti de gros fan de drag queen, drag king, drag queer, drag teen, shapeshifters, appelez ça comme vous voudrez. Et vous le savez sans doute, on a reçu Oh My God et Selma God sur notre show. Puis ça, vraiment, là, je m'attendais même pas à ce qu'ils acceptent, honnêtement. Je leur ai envoyé un petit courriel, genre, puis les deux, ils ont dit oui. Puis ils sont débarqués en studio. J'étais comme, Oh My God, is this real? C'est aussi mon pire moment. Je vais revenir là-dessus tantôt. C'est passé les belles affaires. T'as pas leur faute à elle? Non. C'est sûr que l'épisode sur les tapettes de droite, tu sais, tantôt Charlie disait l'épisode sur les closing spots, c'est un épisode important. Je pense que l'épisode sur les tapettes de droite, pour moi, c'était vraiment un épisode important. On parlait de concepts un peu lourds, mais quand même, c'était important de les aborder comme l'homonationalisme, affaire de même. Mais au-delà de l'importance de parler d'homonationalisme et de tapettes de droite, je pense que ce qui est vraiment important dans la communauté, c'est de fesser sur Éric Duhaime. Yeah! Faut absolument qu'on l'invite. Écoute, tabarnak, il y a plus Éric Duhaime qui nous aime. Quasiment, hein? C'est correct. C'est la mission. On a des actions comme oui! Fait que notre prochaine vague de merch, ça va être un punching bag Éric Duhaime, ça va être un jeu de fléchettes Éric Duhaime. On va tous sortir la panoplie, on va pouvoir se défouler en groupe, ça va être écœurant. Mais là, tu nous as tendu la perche, là. Ah oui? Ton pire moment. Ah oui. Fait que là, j'en ai quand même une couple de pires moments. I'm not easy to work with. Quand même, il y en a un que tu connais pas puis que tu vas apprendre en même temps que tout le monde. Ah, sacrement. Puis là, je vais gâcher la magie parce que je vais le dire dans l'enregistrement, mais il va falloir refaire l'intro de cet épisode-là, j'enregistrerai pas. Donc pour les gens qui nous écoutent à la maison, on va réenregistrer l'intro après. On va espérer que le monde soit encore en feu, puis je vais faire la magie du montage, là, mais ça va être écœurant. OK? Ça paraîtra pas. Mon autre pire moment, puis c'est vraiment dans la même veine, définitivement, j'ai comme un hostie curse. On est avec Oh My God, on est avec Selma God, on est dans le studio. On fait un beau stretch de 15 minutes, une belle entrevue à cœur ouvert. Il nous braillait dans la face, donc bon, j'exagère un peu. Même chose, même affaire. Je regarde, je fais « Hey, les filles, on a pas rien enregistré. » Là, tu sais, c'est des invités que tu connais pas, tu sais. Quand c'est des invités que tu connais, « Ah, ah, ah, c'est drôle, genre, ben finalement, je veux dire, c'est des drag queens, puis en plus, c'est des drag queens qui travaillent en dehors du village très souvent, fait qu'ils savent en si c'est quoi un pépin technique, laissez-moi vous dire. Sinon, il y a eu deux rookie mistakes que j'ai faites, que j'ai pu corriger dans l'ensemble. Je viens déjà de nommer une rookie mistake, c'est quand j'ai oublié d'enregistrer mon affaire. Fait que là, la seule rookie mistake, dans le fond, qui reste, c'est dans l'épisode « Je suis Joël », j'ai donné mon adresse. Ah, bitch, you brought that on yourself! J'ai donné mon adresse, puis... T'as donné ton adresse, c'est de base! Je m'en serais... Moi, j'écoutais, puis j'étais juste comme « Bitch, you went there! » Wild de même, puis moi, je le savais pas, c'est ma coloc, Paulette Payette, qui vend les t-shirts en arrière. Bonne main d'applaudissement pour Paulette! Paulette, elle vient me voir et elle dit « Écoute, Jess, je suis un petit peu nerveuse. T'as donné notre adresse. » Puis, on s'en est rendu compte quand même au bon moment, parce que deux jours après, on va en reparler, mais il nous passait cet épisode-là à Radio X. À Québec, ouais. Fait que j'ai été bien chanceux d'avoir le temps de l'enlever. Toi, ton pire moment? Moi, pas que ça m'intéresse, mais je vais te poser la question. Ben, mon pire moment, justement, dans la lignée des choses pas enregistrées, on était dans l'épisode sur les paniques morales avec Chacha. Puis Chacha qui donne l'idée du siècle, là, c'était génial. Pour combattre le stigma contre les ITSS, on devrait faire un pageant qui s'appellerait Miss Gonoclam. Puis ça n'a pas été caught on tape. Parce qu'on a manqué les 5 dernières minutes de l'épisode, c'est pour ça que ça a fini de manière abrupte, on s'excuse. Mais pour vrai, Miss Gonoclam, moi, j'ai mes chances. Je suis vraiment déçu que cette idée-là ne soit pas sortie au grand jour. Que ce soit Miss Gonoclam ou que ce soit Miss Congenitality, j'ai mes chances. Maybe she's born with it, maybe c'est la syphilis qui l'a renvoyé la main. You'll never know! You'll never know! Alors là, on a fait les pires moments. Meilleur moment à Deux Fifs le matin. Là, on vient d'en parler. Là, je pense que des gros highlights, puis nous, ça a été vraiment une consécration. Genre, on a commencé à croire en ce projet-là quand Radio X, la radio poubelle de droite de Québec, a parlé de nous autres. Tout ça parce que Radio-Canada a fait une émission qui faisait la promotion de Deux Fifs le matin, payé avec vos taxes, hostie. Yes! Payé avec vos taxes. On est un service public, Calis. Tu sais que quand Radio X taïs, tu fais quelque chose de bien. Hey! Mais moi, c'est surtout comme, attends, un pitch, saison 1, Radio X Famous. Nous autres, on était over the moon, là. Genre, puis toi, t'es comme, I mean. Mais là, vous allez vous faire harceler, toutes les douchebags de Lévis vont comme ça aller dans vos DM pour genre vous traiter de grosse tapette, votre adresse va sortir, vous allez recevoir des collègues, tu sais. Puis nous autres, on était juste comme, non, mais j'en ai trop heureux. Yes! Nous autres, on capotait, là. Puis, faut dire que tout ce qu'on diffusait d'épisode, c'est l'intro de deux minutes de Je suis Joël. Oui. Puis moi, je suis fasciné par leur paresse intellectuelle. Parce que clairement, ils ont juste écouté l'intro. S'ils ont juste diffusé l'intro, est-ce qu'ils avaient écouté l'épisode, ils auraient trouvé une mine d'or d'informations scandaleuses. Je leur ai parlé, puis je suis comme, bitch, you dumb! Ils ont effleuré le sujet, là. Ils ont effleuré le sujet. Mais c'est écœurant, tu sais. Ça fait quand même rire de me dire que, tu sais, comme, je veux dire, c'est un de nos épisodes qui a le plus d'écoute. Mais reste que, au code d'écoute qu'eux autres y ont, il y a probablement plus d'hétérosexuels dans leur char en banlieue de Québec qui ont entendu cette intro-là que quand des moines qui l'ont écouté intentionnellement. Fait que là, la prochaine étape, c'est qu'Éric Duhem tombe sur l'épisode où on parle de lui. Fingers crossed, envoyez-y. Mais là, OK, là, on parle des meilleurs moments. Je comprends que Radio X, c'est un fait d'armes écœurant, mais à part de Radio X, ton meilleur moment, ce serait quoi, Jess? C'est sûr que... Là, je vais... Faut pas que je braille. Genre, c'est dur de pas dire en ce moment. On n'a même pas d'animateur de foule. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, c'est de la spontanéité qui se fait. Puis là, il y a en ce moment là où je réalise comme pas que vous êtes là. C'est encore un peu abstrait dans ma tête. Mais comme l'échange avec le pubis en général, c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. D'échanger avec vos pubis. On a un très beau pubis. On a un pubis. On a une liste de pubis. Puis, tu sais, quand le monde nous écrive, ils nous envoient des articles, ils nous envoient des photos sur des choses qu'on a dit dans les épisodes, puis je suis comme, yes, il y a une réflexion qui se fait, parce que c'est bien le fun de parler dans un micro puis dire nos opinions sur des affaires. Mais l'idée, c'est, nous, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Là. C'est pas nous qu'on n'a rien inventé, puis les gens vont pas dire, ah, ben là, Charlie et Jess l'ont dit. C'est le même, ça marche. Non. Les gens continuent de réfléchir, ça lance des débats, ça ouvre des voies, il y a même... Ah, ça, il faut que j'en parle. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'à cause de Deux Fifs... Que grâce à Deux Fifs le matin, il a fait son coming out. C'est-tu beau? Voilà! On produit de la moune! Quand ils font ces affaires-là dans des émissions là, comme Queer Eye, là, où finalement la personne fait son coming out à la famille parce qu'elle a donné la force, blablabla. Si je trouve ça comme plate pis cheesy, mais de savoir que moi, à dire des niaiseries dans mon micro, j'ai fait que quelqu'un fasse son coming out à son entourage, ça là, on. Pour tous les matins, on fait. Où je me dis, on, bah oui. Mais tu sais, pour tous les matins où je me suis réveillé, où j'ai stairé mon plafond, où je me suis crossé sur la pointe plate, après ça, j'ai juste regardé le bordel dans ma chambre en me disant comme, qu'est-ce que je calisse, qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Ben pour ça, là, pour tous ces moments-là, ça, ça vaut la peine. Oh. Ça, là, c'est peut-être moi qui suis gauche. Mais sinon, c'est ça, moi, je pense que aussi, mes meilleurs moments, c'est que je pensais pas qu'on... c'est-à-dire, je suis tellement content qu'il y ait comme une communauté qui se soit créée autour du podcast. Oui. Puis pour moi, c'est ça comme qui est le plus beau. Juste parce que... Non, mais c'est vrai, tu sais, il y a des podcasts où c'est juste du contenu qui est mis là, puis que c'est ça, puis ça finit là, tu sais. Puis je sens que comme vous interagissez beaucoup avec nous autres, puis que ouais. Comme il y a un truc qui s'est créé autour de ça, puis c'est comme vraiment important de garder. Je trouve ça vraiment beau, puis je suis vraiment content de jouer là! Bon, fait qu'à ce temps qu'on vous a liché le cul, malheureusement, personne dans le public nous a amené de café, fait que nous, on va laisser faire un café aussi amer que ce qu'on ressent en ce moment, et on vous revient dans une quinzaine de secondes, over caffeine. Bon, on n'était pas si amers que ça, puis on s'ennuyait de vous autres. Fait que finalement, on est revenu pour finir l'émission. Ben oui. Ça va, là. OK, là, c'est le moment où on vous garde. Puis c'est le moment où on va jouer à un petit jeu qui s'appelle « C'est qui l'épaisse? » Le principe est simple. On vous lit une quote de la saison 1 ouais. De « Deux fifs le matin », puis vous allez nous dire « C'est qui l'épaisse? » Donc, vous allez « guesser ». Méthode très simple. Oui. Le point ou la main. On avait trouvé un autre raisonnement qui marche tout autant. Le point, c'est Jess, car il est chauve. La main, c'est Charlie, parce qu'il aime bien un petit spank. OK, donc on va faire un petit test. Qui a dit blablabla, bla, bla, le point, la main? Parfait. C'est moi qui viens de le dire, tout le monde a levé le point, ça fonctionne. Hey! Bravo! OK! Hey, you're quick on your feet. OK, première quote. S'il y a du monde dans la vie qui sont préparés pour avoir du cul, c'est bien les tapettes. Qui a dit ça? Charlie ou Jess, le point et la main. Ooh. Ah, vous nous connaissez. Ooh. OK. C'est moi. C'est Charlie qui rapporte. C'est Charlie qui l'a dit. Mon vélo, je l'appelle mon bicycle à trois pédales. Qui a dit ça? Ah, c'est mitigé. C'est plus mitigé, c'est mais... C'est plus mitigé. Mais c'est Jess. C'est moi. C'est moi. C'est une joke que j'ai volé à quelqu'un que j'apprécie énormément. On salue cette personne, d'ailleurs. Qui a dit, on est craqué ben raide, sur le bord de la crise d'angoisse, et c'est dans cet état qu'on vous parle de comment c'est dans le fun, pareil, d'être une tapette sur le plan du cul, qu'on se le dise. Qui a dit ça? Le point la main. Là, les gens mettent le point parce que tu l'as tellement bien sorti que ça va l'air de venir de toi, mais guess what, bitches? C'est moi qui ai dit ça! C'est moi qui ai dit ça! Qui a dit s'il y a un 11 septembre 2001 pour les tapettes, c'est bien le coming out du M? Le point la main? Ah, quand même! Il y a de l'indécision. C'est genre ma quote la plus iconic ever. Et pour vrai, si c'est pas sur ma pierre tombale, à chaque fois que vous allez jouer à Ouija, mes tabarnak, je vais venir vous le clé au complet. Je sais que c'est long, mais je vais venir pareil. Moi, avec les choses que je dis, ma pierre tombale, ça va être un urinoir. Qui a dit au champ de masse en 1880, ça se suçait déjà la graine, back in the days, pouvez-vous craindre? Le point la main. Mais voyons, la phrase est à moitié en anglais, c'est ça, c'est moins. Qui a dit, on a tous des jobs de merde puis on se part un podcast, c'est de même ça marche? Ouais, oui, celle-là, vous l'avez. C'est sûr, c'est Jess. C'est sûr, c'est moi. Charlie a pas de job. Excuse-moi, il est podcasteur indépendant. Sorry. Qui a dit « Mes talents sont plus hauts que les ambitions de Justin Trudeau en matière de réconciliation avec les peuples autochtones? » C'est facile, genre. Ah oui, c'est facile. Juste, c'est juste. Qui a dit « Quand un gars me demande « Are you into fisting? » Je réponds « C'est mon rectum, c'est pas la sacoche d'Hermione. » Effectivement, c'était moi! Oh my God, hey, on a... ça sera pas long, il nous en reste encore 45. Qui a dit « C'est mieux de voyager plus loin for some good deed que de rester chez vous sur Grindr et essayer d'en trouver des plus proches? » Oh, ben là, mon Dieu, c'est presque unanime. De la grande sagesse de Charlie. De la grande sagesse de Charlie. But something I still stand to, puis pour vrai, appliquez-le, ça va changer vos vies. Qui a dit « J'ai reçu de l'argent... » J'ai reçu de l'argent de l'État pour aller me promener en jockstrap dans les bois. Qui a dit? C'est Hugues! Ah! Hey, et ça, c'était une pogne! C'est Hugues qui l'a dit! Ce à quoi j'ai enchaîné avec « She's living the dream ». OK, ensuite, j'espère que les étudiantes italiennes ont droit à des accommodements raisonnables pour les camisoles spaghetti. Qui a dit ça? Il y a du monde qui sont tellement indécis qu'ils ne lèvent même pas la main. Là. Comment ça, c'est vous? C'est pas grave, là, voyez. Là. Essayez-vous, là, on vous comprend. Il n'y a rien de plus important que le côté. Oh my God. Effectivement, c'est moi. Oui. C'est moi qui ai dit ça. Il y a plus de place dans ma gorge que dans mon cœur. Oui, c'est Jess, on s'en souvient. On s'en souvient. Faites là voir comment vous remplissez mon cœur ce soir, j'ai des attentes pour tantôt. Oh! C'est pas vrai, je m'en vais me coucher dessus d'après. Bon, ça, je pense que c'est une de mes préférées. Qui a dit si j'avais un resto de brunch, je l'appellerais Unité 9, N'OEUF, puis toutes les assiettes seraient servies avec une Marie la montagne de fruits? Qui a dit ça? C'est une toffe, celle-là. C'est une toffe parce que c'est moi qui l'a dit, mais ah, on dira ce qu'on voudra. Oui. Mais pendant qu'on préparait ce segment-là, j'étais comme là, tabarnak, je l'ai dit à Radio-Can, mais là, ça va se perdre dans les archives du site web ben trop complexe et pas user-friendly de Radio-Can. Puis je veux que ça reste on record sur votre podcast. Ça fait un très bon gag. OK, on achève. Qui a dit « Je ne peux être mise en présence de policiers car, comme le dicton le dit, on ne met pas la charrue devant les bœufs. » Effectivement, c'est Jess. Eh oui. OK, ça, c'est une paupière aussi. Je me réveille le matin, il est genre 6 heures, je m'en vais travailler, puis je vois juste un paquet de dick. Parle-moi de ça, un déjeuner santé. Je lève jamais à 6 heures du matin. Charlie se lève jamais à 6 heures du matin. Elle est pas couchée à cette heure-là. Elle revient sûrement d'un after avec de la super bonne musique électro. Raver Fuck Boys. Honestly, il y a rien que j'aime plus que de faire roast, la gang. Keep it coming. OK, qui a dit « Ma situation préférée, c'est quand il y a une backroom dans le party. Là, tu peux consommer sur place. » Qui a dit ça? Le point à la main? C'est plus facile, celle-là. Là. On pense slot, la gang. Il y a même ma mère qui met la main. C'est même ma mère. Ça va être moins parlé. Non, les deux, ils ont levé la main. Les deux, non. Je sais. C'est l'enfer. Parle-moi de ça, une famille proche. OK, il en reste deux. Étant donné qu'on est dans un contexte de capitalisme tardif, il nous reste plus beaucoup de temps à vivre sur Terre. Qui a dit ça? Ça aussi, c'est une toffe. Oh, on a beaucoup de points. Oui, oui, c'est moi qui l'ai dit. Ben oui. Ah, on dira ce qu'on voudra. Oh, oui. Dans une émission sur les queer icons, genre, j'avais des blagues super légères. Ah oui, Rebecca, elle est comme... Ah oui. Elle a juste dit, oh mon Dieu. Elle a commencé. OK. Qui a dit double crème, c'est mon nom Grindr. Le point à la main. Oh, mitigé. Il y a encore du monde qui se vote pas. Ma mère, elle dit encore que c'est moi. C'est Jess, là. Alors, c'est moi, là. C'est Jess, cette fois-ci. Sacrement. Bon, assez parlé de nous autres. On va parler des gens qui nous parlent. Courrier du pubis. Fait que là, on vous a demandé, comme pendant les dernières semaines, de nous envoyer vos questions, vos commentaires, vos lettres d'insultes, vos fanfictions. Puis là, c'est le moment où on les lit. Oui. Alors, premier commentaire qu'on a reçu, venez-moi dans les oreilles. Là, laquelle de vous autres est responsable pour celle-là? Oh, qui a écrit ça? Qui c'est qui a fait ça? Tu magasines une notite, ma grande, là. Quand une notite est une ITSS, quand même. Ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent, mais elle s'en magasine une. Vous vous connaissez depuis combien de temps? Et comment vous êtes-vous rencontrés? Trop longtemps. On se connaît depuis trop longtemps. Trop longtemps, sacrément. Mon Dieu, comment on s'est rencontrés? On s'est... On se connaît clairement depuis au moins 2011 au Cégep de Saint-Laurent. Oui. Les Saint-Laurentiens, Laurentiennes, on applaudit. On est un contingent, ça va. Une gang. Il y en a qui essaient d'oublier. Mais on était des personnes complètement différentes de ce dont on a l'air maintenant. Complètement. Jess dans l'esthétique, pas si radicalement différente. Moi, par contre. Quelle esthétique. Moi, par contre, j'avais de longs et très gros cheveux frisés. Oui! J'avais des chandails avec comme, tu sais, des chats, des animaux, des galaxies. C'était 2011. T'avais l'air de Bob Ross. C'était hot dans le temps. C'était hot dans le temps. J'avais des skinny pants de couleur. J'étais cute, là. C'est cute pour 2011. Mais bon, entre vous et moi, on se connaissait clairement de loin parce que les deux, on a une calisse de grand gueule et on a toujours besoin d'attention. Fait qu'on savait qui qu'on était chaque personne. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que le moment de bonding qu'on a eu le premier ensemble, c'est qu'on avait fréquenté la même personne. Puis on a commencé à parler dans son dos. C'est comme ça qu'on bande dans ton homosexuel, je pense. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Puis là, après ça, ben là, je pense que nos séances de visionnement de RuPaul's Drag Race, je pense que ça a comme été le saut. Oui, ben là. Là, c'est là qu'on a découvert qu'on était faites pour aller ensemble. Alors là, Charlie, prépare ton monologue, je sais que c'est ta question. Yes. Il y a quelqu'un qui nous a demandé, et je cite, « À l'heure de Grindr, de la PrEP et du PNP, avez-vous un conseil à donner à un nouvel arrivant français qui vient d'arriver à Montréal? Oh. » Courrier du cœur. La Louise Deschâtelets des Mangerets va vous répondre. Alors, un conseil à donner à un nouvel arrivant français qui vient d'arriver à Montréal, retourne chez vous. Va gentrifier une autre ville. Les loyers augmentent assez. On n'en a pas besoin de plus, des estis de français. Moi, les français, là, je leur ferais passer un test de valeur tout simple. Tu vas sur leur compte Facebook, tu fais passer les photos de profil, puis si tu vois un « Je suis Charlie », ou un film du drapeau français, refusé. On n'en a pas besoin. Mais, OK, plus sérieusement, on a reçu cette demande-là sur Facebook. J'étais allé checker le profil de la personne. Il n'y a pas de « Je suis Charlie », il n'y a pas de drapeau français. On va essayer de lui répondre. Moi, personnellement, est-ce que j'opposerais Grindr et la PrEP à la possibilité de trouver l'amour? Moi, sérieusement, le sexe sans condom, ça me donne vraiment plus peur de catch feels que de catch une chlamydia. Oui. Puis, on s'entend qu'une chlamydia, c'est réglé en une semaine. Des feels, ça peut prendre des années de thérapie. Ah oui. Think about it. Think about it, les filles. Déjà là, bon, pour revenir plus, je veux dire, il faut donner des conseils quand même. Comme nouvel arrivant français, je pense que tu peux faire comme tous les nouveaux arrivants français, puis dater d'autres Français qui se sont installés à Montréal. Vous semblez bien vous entendre. On salue tous les twin couples. Mais tu sais, pour vrai, ouais, j'aime tellement ça avoir un courrier du cœur, puis en même temps, je suis comme damn, les deux, on est single as fuck, là. Premier conseil, si tu veux trouver l'amour à Montréal, ne nous demande pas de conseils. Non, mais moi, pour vrai, je pense que mon conseil romance, ce serait. Travaillons ensemble à démanteler ce système qui nous oppresse puis à abolir le capitalisme pour avoir le temps de connecter les uns avec les autres. Ah! C'est ce que j'aurais à dire comme réponse à un courrier du cœur. Arrêtez d'envoyer des messages. On va juste abattre le capitalisme puis après ça, on va avoir le temps en masse de connecter les filles. Là. On s'est fait demander aussi des exemples de représentativité LGBTQ2+ dans les médias Québ. Oui, c'était quand même une bonne question. La première personne qui m'est venue en tête, moi, c'était Safia Nolin. Sa musique est très bonne, je veux dire, c'est une artiste, il faut apprécier son art. Mais quand même, genre, dans la catégorie, on a parlé de Catherine Dorion dans un autre épisode, la semaine passée. C'était dans une demi-heure. Safia Nolin, quand même, qui se fait genre perpétuellement traîner dans la boue. À cause de son hostie d'apparence, moi, je la trouve fierce, je l'adore, son apparence, je veux dire. OK, boomer. Je veux... Oui! Oui, les gens qui la traînent dans la boue finissent généralement par Tokabaxit. Puis. Ouais, fait qu'il y avait Safia Nolin. Et bon, parce que c'est une représentation quand même sans compromis. Après ça, il y en avait-tu d'autres? Ah oui, ceux-là sont importants. On voulait nommer Judith Lucier et Sophie Labelle. Les connaissez? Pour leur travail d'éducation, quand même, qui est assez phénoménal. Dans les deux cas, non seulement ils font un gros travail d'éducation, mais en plus, leur vie publique est assez difficile. Ils reçoivent des menaces, ils se font troller, genre c'est l'enfer, ils se sont fait doxer. Je sais pas ce que ça veut dire, se faire doxer, mais j'ai entendu quelqu'un utiliser ce mot-là cette semaine. Oui. Puis parlant d'éducation, je vais en profiter pour vous donner un petit conseil sur les Instagram, sur les Twitter, sur les Facebook. On suit June Pilote. Très important. Cette personne-là fait un travail titanesque d'information. C'est fou. Pareil pour Vincent Mousseau. C'est deux personnes qui n'arrêtent pas. Ça, c'était ma deuxième personne à plugger. Vincent Mousseau, June Pilote, c'est deux personnes qu'il faut suivre. Puis quand je dis aller suivre quelqu'un pour de l'éducation politique, ça veut pas dire aller poser toutes vos questions puis monopoliser leur temps. Non, non, non. Faites juste lire ce qu'ils posent dans leur story, lire ce qu'ils partagent. Ça vaut la peine. Je vous invite vraiment à le faire. J'ai pas compris. Et sinon, une excellente représentation queer dans les médias québécois. Je pense que c'est la meilleure, c'est Deux Fifs le matin. On a eu une autre question. Question très, très difficile. Où sont les tapettes? Ici! Ah, voilà! On les a trouvées! Yeah! on nous a demandé... Ça, c'est une question top, par exemple. On nous a demandé vos meilleurs trucs pour déconstruire nos désirs. Hein, quand même. Moi, je vous conseille vraiment de scroller des photos de moi et Charlie. Ils construisent un désir envers nous. Mais moi, personnellement, je trouve que la meilleure approche par rapport à ça, c'est de faire le ménage dans comme, qui vous followez puis à qui vous vous exposez constamment. Oui. Parce que, peu, peu, pas, ça joue un rôle dans ta psyché, genre à quoi tu t'exposes tout le temps. Puis si c'est tout le temps la même personne, si c'est tout le temps les mêmes types de corps, si c'est tout le temps comme la même chose, ben c'est sûr que ça joue un rôle dans comment se construit son désir. Fait que faire un grand ménage de qui tu follow, aller follow des gens qui ont des types de corps différents, oui. Aller follow genre différentes identités, différentes expressions de genre, aller follow pas juste des personnes blanches, aller follow comme juste... Diversifier votre following, puis justement ça va jouer aussi sur comme la construction du désir qu'on a. T'sais? Je sais pas s'il y en a qui suivent, il faut que j'en parle, je peux pas ne pas en parler, on s'était dit qu'on bâcherait pas personne, mais Fugue Magazine sur Instagram. Alors Instagram c'est la pire chose. T'as ta plaque! J'ai été mise sur Instagram ever. C'est toujours le même dude, genre, ça a pas de bon sens. Mais c'est surtout jamais un dude de Montréal, c'est tout le temps comme... un DJ, whatever the fuck he's playing, oui. Là, qui est comme par hasard, cut en bobette. Comme par hasard. Photo artsy. Puis ils font juste mettre le même dos avec des ads, puis ils sont comme, ouh, son nom c'est, puis il vient de Barcelone, puis en tout cas, il nous donne chaud. C'est juste comme, voyons les mononcles, tabarnak. Vous avez un Instagram avec du following, vous avez pas le coup de mettre du contenu? Ça a l'air que non. Dommage. Dans la même lignée, là, on va creuser dans le deep down du sujet. Moi, ça me fait rire. Hein. Des fois, les gens sont comme « Sur quel site de porn tu vas? » Toi, la réponse est tout le temps genre « YouPorn, PornMD, TubeBait, je sais pas trop. » Là. Moi, la question que je pose tout le temps, c'est « Sur quoi tu cliques? » Et ça, c'est plus intéressant. Changez le « Sur quoi vous cliquez? » Puis changez aussi parce que, je veux dire, vous allez changer, écrivez des affaires dans votre moteur de recherche, explorez des choses, allez sur OnlyFans aussi. Moi, maintenant, je trippe sur OnlyFans. Bon, ça prend des moyens, là, malheureusement. C'est pas gratuit, mais t'encourages des artistes de porn alternatifs qui vont te montrer d'autres corps, d'autres façons de faire du sexe aussi. C'est gratuit sur Twitter. Oui, il y en a sur Twitter. C'est vrai, il y en a sur Twitter. Une autre question. Vous pensez quoi de l'affiche Terrain à vendre qui vient d'apparaître sur Mentana? C'est ça, à la gang, on est capable de chipper. On se cotise, on fait un cruising spot super inclusif, pas juste des tapettes, tout le monde. On va faire passer le chapeau, la moitié ça va aller à deux fiches le matin parce qu'on est pauvre. Puis l'autre moitié ça va être notre cash down sur Mentana, ok? Amenez vos problèmes, on va y régler. Bon, ça, c'est une question super facile, mais je vais y répondre quand même. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé comment avoir un fake GPS pour aller ailleurs sur les apps de rencontre, pour aller plus loin, pour aller dans d'autres quartiers, pour aller voir d'autres mondes, la gang de cochons. Vous avez tous posé la question. Honnêtement, la réponse est vraiment plate, là, mais c'est très simple. Vous allez sur Google ou Apple Store et vous tapez fake GPS. On est en 2019, la réponse à toutes tes questions, c'est taper ta question sur un moteur de recherche. Tant de problèmes réglés. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y en a pas sur Apple! Ah, les Chris, ils pensent à tout, hein? Ouais. Pourtant, le PDG ou le CEO, il est gay, il devrait savoir que le monde donne un fake GPS par le Grindr. Question brûlante. Oui? La question que tout le monde se pose. Oh my God. On a-tu couché ensemble? Qui dit oui? Y'a pas personne qui fait des fanfictions de moi de Charlie, genre. Moi, j'aime ça que tout le monde est comme, mais ils sont rendus on stage ensemble. Clairement, ça n'avait rien passé parce que tu pouvais. Jamais ils s'en dureraient encore. C'est clair que non. Ça serait ghosté, ils seraient partis. Ah, oui. Vous nous avez démasqués, on va faire ça ensemble. Au 100e épisode, on essaye. On essaye. Ouais! Tu sais, des fois, t'es en mode animateur, tu fais juste répondre « Uh-huh ». Et là, c'est notre ultime café de la saison. C'est le dernier qu'on s'en va chercher avec beaucoup d'émotion pour vous revenir une dernière fois au Veux Café. Je n'ai pas pu applaudir parce que les remerciements s'en viennent. Fait que... Alors, c'était tout pour notre émission de Deux Fifs le matin. On vous remercie d'avoir été à l'écoute toute cette saison. Sans vous, rien de tout ça ne serait possible. On va faire un gros merci à Louis Million pour un gros merci au Cabaret Berlin qui nous reçoivent ici ce soir. Un énorme merci à Paulette Payette qui nous vend des t-shirts. Alors, achetez les t-shirts, on n'a pas envie de cover pour être très gratuit parce que vous avez besoin des pauvres. Un grand merci à mes moms, nos mécènes, sans qui on n'aurait pas de t-shirts parce qu'on n'a pas de cash-down sur la merch. Aussi, un grand merci à Maman Choc, mamanchoc.ca, qui nous produit, qui nous met en ligne, qui répond à mes 28 000 courriels de gars stressés le matin, qui est comme « Pourquoi le podcast n'est pas encore sorti? » On les remercie. Merci à tous ceux et celles qui nous partagent. Merci à ceux qui en parlent à leurs amis. Merci. On le sait que vous êtes là et que vous nous faites de la promo. On apprécie tellement vos gestes. C'est tout par le bouche à l'oreille qu'on se propage. On est vraiment reconnaissants. Puis, on vous revient. À l'été 2020, on vous aime les moons! Merci!